Le jour se lève, l'ombre s'efface. Red Ski avance, fier dans l'espace. La forêt respire, le vent caresse. Le combat s'annonce, plein de promesses. Les feuilles brillent sous ses pas. Une nouvelle lutte commence déjà. Les bases se dressent, solides et fières. La team s'organise, prête à faire taire. Les ennemis rôdent, mais rien ne cède. Dans ce monde sauvage, la loi est rude. Chaque pas résonne, chaque geste compte. Le grind est dur, la foi monte. S'entrelacent, la foi éclate, le combat s'intensifie, la lumière guide, dans cette nuit la légende décide. Le grind continue, la bataille s'enflamme. Riders Kill crie, rallume la flamme, la team avance, forte et fière, dans cette guerre, rien ne les défère, les bases tiennent. Solide et clair, chaque victoire est une lumière. Le calme revient, la nuit s'apaise, mais la vigilance jamais ne cesse. Chaque étoile éclaire la voie, dans cette forêt, la force est loi. Les voix s'apaisent, le silence grandit, la flamme brûle, jamais ne s'éteint. La forêt gronde, les voix s'élèvent, défiant la ronde. Riders Kill mène, la team suit. Dans cette lutte, rien ne fuit. La victoire approche, la guerre persiste. Dans ce monde sauvage, rien ne résiste. L'onde du matin éclaire nos combats. Riders Kill guide, la team éclate. Chaque jour une bataille, chaque nuit une prière. Dans Russe, la survie éclaire la lumière. Nos voix s'élèvent, unies et fières, pour la victoire, envers et contre la terre. merveilles.